Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente du Conseil Général, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, Monsieur le Maire, chers amis, chers collègues, écoutez, c'est avec très grand plaisir que j'ouvre ces journées et ces rencontres sciences et citoyens à Pleuzévette. Vous savez qu'il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est que la population attend beaucoup de la science et en même temps, la population est très inquiète de la science. Alors des journées comme celle-ci, elles doivent nous permettre, effectivement, d'aller à la rencontre les uns des autres, parce que c'est en démystifiant la science, c'est en expliquant comment elle travaille, que l'on pourra dépassionner les débats. Alors je me réjouis donc que ces journées puissent se tenir ici, et particulièrement à Pleuzévette, puisque c'est un retour, presque 40 ans plus tard, pour un certain nombre de chercheurs du CNRS. Pleuzévette avait été sujet d'études, et bien Pleuzévette aujourd'hui est l'occasion de rencontres et d'approfondissement des relations entre les scientifiques et les citoyens. Moi, je souhaitais, au nom de Pierre Maille, président du Conseil général du Finistère, vous souhaiter la bienvenue. Il aurait bien voulu être là ce matin, malheureusement, il ne peut pas, mais je crois qu'il viendra demain. Aujourd'hui, on devrait avoir ou réussir à avoir un apprentissage un peu plus important de l'esprit critique qu'il se passe dans le monde éducatif ou ce qu'il se passe dans le monde de la famille. Or, on est bien loin de tout ça, et je trouve que la science, de ce point de vue-là, peut faire avancer les choses. Voilà, bon week-end. Bien, merci, monsieur le directeur, monsieur le président de l'université, monsieur le maire, madame la vice-présidente, madame, messieurs. Bon, je voudrais demander d'excuser l'absence de monsieur le recteur ce matin. Il sera des vôtres demain. Nous sommes répartis un petit peu les rôles. Deux raisons de me réjouir de cette opération aujourd'hui. Première raison, c'est que cette opération, le collège et l'école de Pleuzévette deviennent aujourd'hui le centre culturel de Pleuzévette et même du Finistère. Et c'est une chose que je regrette trop fréquemment, les établissements scolaires à partir de 17h sont fermés à la population. Et les enfants ne reviennent pas en général à l'établissement scolaire, sinon en tant que parents d'élèves. Or il y a des CDI, or il y a des salles multimédia, or il y a des salles de sciences qui ne sont plus accessibles le soir et pendant le week-end. Et je regrette personnellement qu'il n'y ait pas cette ouverture à la population. Aujourd'hui, il y a une première expérience et j'espère qu'elle se démultipliera. Deuxième raison de me réjouir, c'est que j'ai appris notamment que, on m'a informé notamment que les petits débrouillards, il y avait un public très nombreux de jeunes et des opérations qui vont se continuer, des rendez-vous qui sont pris. Donc j'espère, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur, que effectivement on va ainsi petit à petit démythifier un petit peu ces problèmes de science. Depuis 30 ou 40 ans, on est passé de 30% d'une population au niveau du bac à 60%. Et pour autant, le nombre de scientifiques ou d'élèves faisant des études scientifiques n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Et malheureusement, on constate qu'après un bac scientifique, nombre de ces jeunes qu'on pourrait penser s'orienter vers des études scientifiques, finalement, s'orientent vers des études du type économique ou autre. Et ça, c'est regrettable. On va bientôt manquer de scientifiques. Voilà, donc, deux raisons de se réjouir. J'espère que ces graines qui sont plantées à Pleuzévette vont produire leurs fruits. Et peut-être que dans 40 ans, on reviendra, ou plus tard, on reviendra voir, étudier ce que sont devenus les petits Bretons 40 ans après. Voilà, merci, bonne journée à vous. Bien, bonjour à tout le monde et bienvenue à Pleuzévette. Alors, comme on nous a souvent posé la question, je vais vous répondre avant qu'on me la pose. Pourquoi Pleuzévette? Eh bien, c'est tout d'abord parce que on a la chance d'avoir une équipe et une commune qui, malgré sa modeste taille, a une richesse humaine importante. Nous avons plus de 46 associations, 47 maintenant, je pense, toutes très dynamique, et il y a dans nos petites communes une chaleur et un dynamisme humain qu'on trouve peut-être pas dans les villes plus importantes. Et si cette journée se déroule, si ces deux journées se déroulent à Pleuzévette, comme d'ailleurs c'était un petit peu déroulé la journée de le centenaire de la loi de 1901, c'est parce que tout ça, c'est une histoire d'amitié entre des hommes, c'est de longues histoires. Alors je saluerai Bernard et Jean-Claude Sturm, qui sont sans doute les instigateurs, des fomenteurs de ces deux journées. La population et les associations ont tout de suite adhéré, enfin tout de suite, c'est ce qu'on dit au moment de l'inauguration. Ça a été un peu plus long que ça dans les faits. Un petit peu de scepticisme parce que ça nous paraît quelque chose d'assez important quand même. Mais sur le fond, il y a eu une adhésion forte parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une culture que plus que jamais la science est dans le débat de société. On a besoin de renouer le dialogue avec la population scientifique pour qu'eux se sentent accompagnés dans leurs travaux et que nous, on sente que par leurs travaux aussi, ils contribuent à créer la société de demain. C'est ce que modestement le CNRS, et je le remercie, essaye de faire de façon plus décentralisée à Pleuzévent. Merci.